Proverbe chapitre 26. Comme la neige ne convient pas en été, ni la pluie en la moisson, ainsi la gloire ne convient point à un fou. Comme l'oiseau est promal et ça et là, et l'hirondelle a volé, ainsi la malédiction donnée sans sujet n'arrivera point. Le fouet est pour le cheval, le licou pour l'âne, et la verge pour le dos des fous. Ne réponds point au fou selon sa folie, de peur que tu ne lui sois semblable. Réponds au fou selon sa folie, de peur qu'il ne s'estime être sage. Celui qui envoie des messages par un fou, se coupe les pieds, et boit la peine du tort qu'il s'est fait. Faites marcher un homme qui ne va qu'entre le champ, il en sera tout de même d'un propos sentencieux dans la bouche des fous. Il en est de celui qui donne de la gloire à un fou, comme s'il jetait une pierre précieuse dans un monceau de pierres. Ce qu'est une épine qui entre dans la main d'un homme ivre, cela même est un propos sentencieux dans la bouche des fous. Les grands donnent de l'ennui à tous, et prennent à gage les fous et les transgresseurs. Comme le chien retourne à ce qu'il a vomi, ainsi le fou réitère sa folie. As-tu vu un homme qui croit être sage? Il y a plus d'espérance d'un fou que de lui. Le paresseux dit, le grand lion est dans le chemin, le lion est par les champs. Comme une porte tourne sur ses gonds, ainsi se tourne le paresseux sur son lit. Le paresseux cache sa main au sein, il a de la peine de la ramener à sa bouche. Le paresseux se croit plus sage que cet autre qui donne de sages conseils. Celui qui en passant se met en colère pour une dispute qui ne le touche en rien, est comme celui qui prend un chien par les oreilles. Tel qu'est celui qui fait de l'insensé, et qui cependant jette des feux, des flèches, et des choses propres à tuer. Tel est l'homme qui a trompé son ami, et qui après cela dit, ne me jouais-je pas? Le feu c'est un faute de bois, ainsi quand il n'y aura plus de semeur de rapport, les querelles s'apaiseront. Le charbon est pour faire de la braise, et le bois pour faire du feu, et l'homme querelleux pour exciter des querelles. Les paroles d'un semeur de rapport, sont comme de ceux qui ne font pas semblant d'y toucher, mais elles descendent jusqu'au dedans du cœur. Les lèvres ardentes et le cœur mauvais, sont comme de la litharge enduite sur un pot de terre. Celui qui est, se contrefait en ses lèvres, mais il cache la fraude dedans de soi. Quand il parlera gracieusement, ne le crois point, car il y a cette abomination dans son cœur. La malice de celui qui la cache comme dans un lieu secret, sera révélée dans l'assemblée. Celui qui creuse la fosse, y tombera, et la pierre retournera sur celui qui la roule. La fausse langue est celui qu'elle a abattu, et la bouche qui flatte, fait tomber.